5:22 activation, oral, imperative, second person plural. Listen and answer according to the example. You hear, 1. Vous pouvez passer. You say, passez si vous voulez. 2. Vous pouvez parler anglais. Parlez anglais. 3. Vous pouvez aller au cinéma. Allez au cinéma. 4. Vous pouvez commencer. Commencez si vous voulez. 5. Vous pouvez écouter l'enregistrement. Écoutez l'enregistrement si vous voulez.